Donc on est avec... je te laisse te présenter. Okay. Leïla Messaoudi, je suis enseignante à Grand-Quevilly. Je suis militante de la CGT et aussi militante de la gauche révolutionnaire. Et du coup, là, en l'occurrence, on est sur le rassemblement, un rassemblement pour demander la libération de quelqu'un qui a été arrêté arbitrairement hier sur la manifestation du 9 janvier à Rouen. Et toi, tu as fait une prise de parole à l'AG, qui a suivi, l'AG Interpro, qui a suivi cette manif, où tu parlais en fait de la nécessité de se reconnaître comme classe pour réussir dans la lutte. En fait, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est concrètement le fait que les salariés, les travailleurs sont en train de reprendre le devant de la scène au niveau politique comme une force, parce que grâce à cette lutte et probablement aussi évidemment grâce au mouvement des Gilets jaunes qui avait une autre forme et qui n'était pas sous la forme de grève, toute une partie de la population a pu redresser la tête avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, le fait qu'on soit en grève et en reconduction de grève pour un certain nombre d'entre nous et qu'on construise cette grève pour qu'elle s'élargisse, ça montre aussi qu'en tant que classe, c'est-à-dire celle qui produit, celle qui vend sa force de travail pour exister, pour survivre, eh bien, on est en train de reconnaître notre intérêt commun et le fait que c'est ensemble qu'on pourra gagner. Et c'est vrai que c'est un point, à mon avis, qui fait la force du mouvement, que même si on devait subir une défaite, ce que je ne souhaite pas sur la réforme des retraites, je ne pense pas qu'aucun gouvernement ni aucun parti politique qui gère le système capitaliste pourra vraiment revenir là-dessus. J'espère que ça va refaire remonter cette conscience et puis aussi la nécessité qu'en tant que classe, on a un rôle dans la société. Voilà. Parce que là, ouais, en fait, tout au long de ce mouvement qui dure, si on le fait démarrer au Gilet jaune, ça dure quand même depuis plus d'un an. Puis même, il y a eu des luttes antérieures. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se retisser, qui prend du temps à retisser, effectivement, par rapport à tout l'éclatement, le fait d'individualiser tout le monde dans des statuts et des sous-statuts et des sous-statuts, ce que fait d'ailleurs aussi le projet de réforme des retraites. Et que tout ça, justement, c'est ce que tu dis, ce qui se retisse, c'est ce sentiment d'un commun, quoi. Tout à fait. Je crois que c'est le sentiment d'un commun et justement, ce qu'il y a de... qui peut paraître contradictoire, c'est que la société, elle est très, très éclatée du point de vue des statuts, des fonctions, de la précarité majeure, notamment pour les plus jeunes. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que justement, là, le mouvement, il intègre... Il est mené par à la fois des forces, enfin des secteurs qui sont traditionnellement organisés, les raffineries, la SNCF, en partie l'éducation nationale, et en même temps, grâce au mouvement des Gilets jaunes, toute une partie des travailleurs, des plus précaires qui sont là. Ce qui n'était pas le cas avant. Même dans les années 90, on avait des luttes des chômeurs d'un côté et des luttes de salariés. Et c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis militante depuis que je suis lycéenne, donc ça fait un bon bout de temps. Et c'est quelque chose qui est en train de changer dans la situation, on le voit bien, et qui est extrêmement motivant, parce qu'on sent qu'il y a un potentiel gigantesque, qui n'est pas qu'un potentiel social, mais qui est un potentiel politique aussi. Et les deux vont ensemble, quoi. Il faudrait que le privé, maintenant, se décide à descendre aussi dans la rue. Oui, mais là encore, si le privé est dans une situation encore plus compliquée, c'est que justement l'éclatement, là, eux, ils le vivent depuis plus longtemps. Et il n'y a plus de bataillons industriels aussi forts que ce qu'on a pu connaître. Par exemple, la Renault-Cléon à côté de chez nous, ils vont être. C'est le chômage partiel qui est annoncé pour dans un mois et demi. Et donc évidemment, pour beaucoup de travailleurs, se dire je me mets en grève alors qu'après je serai en chômage partiel, c'est-à-dire avec un salaire réduit à 70-80% je crois, du salaire normal, sans prime et tout ça, c'est quand même un acte compliqué. Donc je crois que je ne sais pas si on est dans une lutte décisive. On est dans une lutte décisive, je ne sais pas si là on est à une étape, peut-être que c'est qu'une étape, peut-être que c'est un premier round, je n'ai pas les éléments, mais en tous les cas, il n'y a pas cet élément défaitisme, même si c'est compliqué quand même. Hein. Mais, c'est sûr qu'il y a la pêche. Il y a la pêche, voilà, oui. C'est ça. Merci Leïla. C'est quoi ton prénom ? Juliette. Ah oui, Juliette.